Tabla ou série. Tita, mais nous fin marié. Oulie y a ces belles bagailles, Tita, n'a pas sorti l'église. Oulie y a ces belles bagailles, Tita, toute famille content. Oulie y a ces belles bagailles, Tita, tout en fond réglé. Oulie y a ces belles bagailles. Depuis tout temps t'es bien marié, c'est famou qui t'a pensé. Depuis tout temps t'es bien marié. C'est Famou qui t'a pensé, Tita, mais nous fin marié. Oulie y a ces belles bagailles, Tita, n'a pas sorti l'église. Oulie y a ces belles bagailles, Tita, toute femme au condom. Oulie y a ces belles bagailles, Tita, tout la fois réglé. Oulie y a ces belles bagailles. Depuis tout temps t'es marié. C'est Famou qui t'a pensé. Depuis tout temps t'es marié, c'est pas moi qui t'a passé.